La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, édition du dimanche 29 janvier 2017. On vient d'entendre une chanson tirée d'un spectacle du Bureau de la PA qui s'intitule Les oiseaux mécaniques, et c'était Dania Ortmann qui interprétait. Alors ce soir, c'est une soirée, en tout cas une première demi-heure avec le Bureau de la PA, qui est un collectif d'artistes de Québec, qui est animé par Laurence Brunel-Côté et Simon Drouin. Tous les deux, ils aiment, je dirais, qualifier leur démarche artistique d'indisciplinée, cherchant à combiner ou à détourner, plutôt, je devrais dire, les pièges des disciplines artistiques. Dans leur dernier spectacle, j'ai cité tout à l'heure Les oiseaux mécaniques, je pense aussi à La jeune fille et la mort. Ils nous ont donné à voir des combinaisons étranges d'art visuel, de réflexions philosophiques, de chants et de sonorités qu'on pourrait qualifier d'inclassables. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Simon Drouin cette semaine, qui est venu pour nous parler de leur projet en général et de leur prochain spectacle, qui sera présenté jeudi prochain, le 2 février, à compter de 20h. Ça va ouvrir le mois multi de février. Alors, sans plus tarder, Simon Drouin qui nous présente le Bureau de la PA, puis en intro, une autre belle chanson du Bureau de la PA. Petits oiseaux gris, là sur les fils électriques, m'observent sans vie du tranchant des yeux. C'est très mystérieux. Je marche à genoux vers n'importe quel nord au bout. Les ombres comme de la tire chaude s'allongent jusqu'à moi. La nuit sans rideau ni store. La lune est un point noir sur un ciel plus sombre encore. Les rues sont de longues langues qui sifflent les filles. Les lumières de la ville, elles sont sans retour. L'obscurité est couverte de crochets prostituées ont retourné leurs yeux. L'escalier est très sale. Du côté du velours, si un regard s'attarde trop longtemps, c'est un velcro épuisant, mais chaud et long comme le jour. Lorsque nous passons trop près, les rues sont de longues langues qui sifflent les filles. M'observe sans vie du tranchant des yeux. C'est très mystérieux. Je marche sans genoux. Je disparais. C'est tout. Simon Drouin, bienvenue à la Croche-Oreille. Salut Gaétan. Simon, le Bureau de la Poste, c'est une compagnie, un collectif d'artistes qui œuvre dans le domaine des arts multidisciplinaires. J'aimerais que tu me racontes le parcours du Bureau de la Poste. Ben, c'est né il y a 15 ans avec Laurence Brunel-Côté. En fait, on sortait d'études en musique et en théâtre, puis on avait juste envie de faire des projets, puis on sentait qu'il fallait qu'il fallait qu'on trouve un nom, puis qu'il fallait qu'on trouve un organisme pour faire vivre ça, pour éventuellement avoir des subventions. Fait que c'était très administratif de créer, disons, ce qui s'appelle le Bureau de la PA. Mais derrière cette démarche administrative-là, il y avait vraiment juste l'intention d'avoir un espace où on pourrait penser des projets en dehors de certaines... en dehors du champ disciplinaire, c'est-à-dire de pas... on avait étudié en théâtre, mais on voulait pas faire du théâtre. C'est pas ça qui nous tentait, qui nous intéressait. On allait beaucoup plus voir d'expositions dans ce temps-là, en art visuel. En même temps, on questionnait un peu la formation qu'on avait eue. Puis à travers tout ça, ben c'est ça, c'est vraiment la volonté de créer un espace un peu libre dans lequel on pourrait mettre notre intention, puis de pas la brider ou de pas la contrôler, de se dire on travaille un projet, puis on voit finalement, on découvre la forme qu'elle prend sans avoir besoin de la nommer au départ. Puis ça, c'était un peu fondamental. Puis c'était autant, je pense, au niveau disciplinaire qu'au niveau aussi, l'indiscipline était même en dehors du champ artistique, c'est-à-dire qu'on était intéressé par des textes philosophiques, des textes sociologiques. On avait envie que ces lectures-là se retrouvent dans nos projets. Puis on avait aussi envie de questionner l'idée artistique, c'est-à-dire ce qu'un projet serait... pourrait-il être plus intéressant artistiquement si on essaie d'être moins dans le champ de l'art, d'être moins dans le champ du professionnalisme aussi, de dire, même on essayait de pas gagner notre vie avec ça, de se dire, Non, on le fait en amateur, tu sais. Puis à travers tout ça, on questionnait l'idée de virtuosité, donc l'idée de savoir-faire. On fait les choses, on est des gens qui faisons des gestes signifiants devant des gens qui les regardent, tu sais. Donc de revenir à quelque chose de très à la base de c'est quoi l'expérience scénique, là. Parce que dans le fond, on, pour l'instant, les projets ont surtout une base scénique, là, liée à une représentation, là. Je suis nu comme un garçon, tu es nu comme une fille. Je suis mort au combat, un couteau me déshabille. Tu es nu comme un garçon, je suis nu comme une fille. Je suis morte à l'atelier, là tout au bout d'une aiguille. Qui entend, qui n'entend pas? Qui entend ce que je dis, c'est qui entend quoi? La ville est morte jusqu'à demain, mais qui attendra demain et qui n'attendra pas? Et viens chez moi, beau garçon, je suis nu comme une fille qui dort dans les bras d'un autre avec lequel je me maquille. Je suis nu comme un garçon et je connais certaines filles qui derrière des rideaux rouges pour 20 piastres se tortillent. Qui entend, qui n'entend pas, qui entend ce que je dis, c'est qui entend quoi? La ville est morte jusqu'à demain, et le ciel est si bas, si pendant, on pourrait même pas. Je suis nu comme un garçon, tu es nu comme une fille. Le jour est notre maison, la nuit est notre famille. Tu es nu comme un garçon, je suis nu comme une fille. Je suis chanteur, croqueur, danseur, boxeur, je m'ouvre un bras et me gaspille. Qui entend, qui n'entend pas? Qui entend ce que je dis, c'est qui entend quoi? La ville est morte jusqu'à demain, mais qui attendra demain et qui n'attendra pas? Simon, le Bureau de l'APA s'est constitué d'artistes de tout genre, de tout secteur confondu, je dirais, dans le domaine artistique. Là, est-ce que tu peux me rappeler un peu la composition centrale de ce collectif? Oui, bien c'est ça. Le projet, il part toujours de moi et Laurence, c'est-à-dire qu'on se parle un peu. Souvent, on lance un peu comme des paramètres, une base au projet, puis là, on invite des collaborateurs à venir jouer avec nous, en fait, de jouer avec nous dans ce projet-là. Fait que souvent, on va demander... Chaque collaborateur, en fait, c'est un contrat un peu différent qu'on fait avec lui. Puis là, je dis contrat, mais tu sais, c'est plus... à un moment donné, c'est une communauté là qui se crée. Là. Les anciens collaborateurs sont maintenant plus des amis que des collaborateurs. Puis c'est un peu ça qu'on cherche là, comme façon de travailler. Donc, chaque collaborateur est invité à arriver avec ce qu'il est. Donc, si c'est quelqu'un qui peut écrire son texte, nous, c'est tant mieux, on ne va pas lui imposer une direction. Fait que là, il peut écrire son propos. Il y a des gens qui peuvent prendre en charge la dimension mise en scène de son intervention. D'autres gens, l'aspect musical, il apprend. Puis là, chacun embarque un peu dans l'écriture avec... en fait, on essaie de faire en sorte que les gens ne sont pas des exécutants d'un projet déjà écrit, mais plutôt que l'écriture émerge de la collaboration. Là. J'ai l'impression que, tu sais, tout le monde essaie de faire ça, là, et nous autres aussi, mais j'ai l'impression que quand on regarde le résultat, ça, c'est quelque chose que je suis satisfait, là, qu'on réussit à faire. J'ai l'impression que les gens arrivent à embarquer dans le projet avec ce qu'ils sont vraiment, puis j'ai vraiment l'impression que même ça... disons, Laurence et moi, il y a des parties du projet qui ne nous appartiennent plus à la fin. Puis ça, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, des fois, même toute la... En fait, tu n'assures même plus la direction artistique. Le projet a été passé aux gens avec qui tu travailles, puis c'est eux autres qui le terminent, puis c'est riche, ça. Trop cool. Bang, trop cool, bang, trop cool, bang. Bang, bang, bang, bang, trop cool, bang, trop cool, bang. Bang, bang, bang, bang, trop cool, bang, trop cool, bang. Bang, bang, bang, bang, trop cool, trop cool, trop cool. Bang, trop cool, trop cool, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, trop cool, trop cool, bang, trop cool, trop cool, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, trop cool, trop cool, bang, trop cool, trop cool, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, bang, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Trop cool, trop cool, troll, troll. Bof cool, bip cool, bof cool, bip cool, bof cool, alcar, bof cool, bip cool, bof cool, bip cool, bof cool, alcar, bof cool, bip cool, bof cool, bip cool, bof cool, alcar, bof cool, bip cool, alcar, cool, bof cool, bip cool, alcar, cool, bof cool, bip cool, alcar, cool, bof, bip alcar, cool, bof, bip alcar, cool, bof, bip alcar, cool, bof, bof, alcar, bip cool, bof, bof, alcar, bip cool, bof, bof, alcar, bip cool, comme quoi, style quoi, alcar, bip cool, comme quoi, style quoi, alcar, bip cool, comme quoi, style quoi, alcar, bip cool, comme quoi, style quoi, trop cool, bof cool, cool, comme quoi, style quoi, trop cool, bof, cool, cool, comme quoi, style quoi, trop cool, bof, cool, cool, comme quoi, comme style quoi, comme style comme quoi, comme style comme quoi, comme style comme quoi, comme style comme quoi, genre quoi, genre quoi, genre quoi, genre quoi, comme style comme quoi, comme style quoi, comme style quoi, genre quoi, genre quoi, genre quoi, genre quoi, comme style comme quoi, comme style quoi, comme style quoi, genre quoi, genre quoi, genre quoi, genre quoi, comme style comme quoi, comme style quoi, comme style quoi, trop cool, bof, cool, allez, bip, cool, baba, cool, baba, cool, trop cool, bof, cool, allez, bip, cool, baba, cool, baba, cool, trop cool, bof, cool, allez, bip, cool, baba, cool, baba, cool, bip, bof, baby, automobile, cool, bip, bof, baby, automobile, cool, bip, bof, baby, automobile, bang, baby, baba. Bang baby baba cool bang baby baba cool bang baby baba cool bang baby baba cool un beaucoup bang baby baba cool un beaucoup bang baby baba cool un beaucoup bang baby bang baby baba cool un beaucoup automobile bang baby bang baby baba cool un beaucoup automobile bang baby bang baby baba cool un beaucoup automobile bang baby baba cool un beaucoup automobile bang baby baba cool un beaucoup automobile bang baby baba cool un beaucoup automobile bang baby bang bang automobile bang baby bang bang automobile bang baby bang bang automobile bang baby bang bang automobile bang baby bang bang automobile bang baby bang bang automobile. Simon, on est pratiquement sur le plateau de votre prochain spectacle qui s'intitule « Entrez, nous sommes ouverts ». Au moment où on se parle, là, les gens travaillent. J'aimerais que tu me parles de ce projet qui va être présenté au Mois Multi là, dans à peu près une semaine. À la base, c'est en fait, on réfléchit à l'idée du piton, du bouton, du connecteur. En fait, on a tous des boutons dans nos vies là, qu'on utilise régulièrement avec notre ordinateur pour allumer la lumière, pour partir le son sur notre chaîne stéréo. Et donc là, nous, on s'est dit, on va essayer. En fait, on s'intéresse à ce moment-là de la connexion, à ce moment-là de faire passer le signal, ce basculement-là de la représentation qui intervient, c'est ça, au moment de la connexion. Puis en fait, on essaie de faire en sorte que finalement l'espace de la représentation soit entièrement contrôlé par des connecteurs qui sont qu'on essaie de rendre visible, performatif, c'est-à-dire que souvent un bouton c'est dans une machine, on le presse, c'est pas un grand mouvement, c'est fait pour être facile à faire. Nous c'est plein de détours, provoquer la connexion électrique, c'est plein de détours qu'on essaie de créer, puis ces détours-là constituent finalement l'écriture scénique. Fait qu'on est comme un peu toujours en espèce de interaction entre opérer notre système puis en même temps créer une représentation qui repose sur des signes qui parlent, qui est une sorte de sémiologie qui se crée sur scène devant nous. Fait que dans le fond, c'est une espèce de système qu'on croyait low-tech au début, mais qui devient comme high-tech parce que là, il y a une espèce de programme qui doit... En fait, un programme par bouton, finalement. Chaque bouton a un peu sa façon de créer ses réactions et tout ça. Puis, donc, c'est ça. Fait que c'est un peu ça le projet sur lequel on travaille. On va vraiment le découvrir avec les gens. On essaie de garder un aspect performatif, c'est-à-dire que n'y aura pas d'illusion. C'est tout ce qui va être, tout ce qui va se passer va avoir été opéré sur scène là, devant les gens de façon non magique, devant les gens et avec aucune régie derrière le public. Là, c'est ça. Comme les autres, les saints doux sous le coton ouaté. Unifolie, les fesses rondes découpées par le string trop petit et le ventre tendu par le dernier Big Mac. Simon, si on parlait de l'aspect sonore de ce spectacle, donc de ce que je connais du bureau de la Poste, c'est qu'il y a tout de même un environnement musical qui est toujours assez explicite, mais il y a aussi un univers d'art sonore plus poussé. Puis j'aimerais t'entendre un peu sur la place que prend le son, la musique et autres bruits là, plus ou moins familiers, la place que ça prend dans votre travail. Ben encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme si c'est toujours une multitude de stratégies. On travaille jamais avec une seule direction. Fait que même pour la musique, c'est beaucoup de. Il y a un musicien sur scène. Il y a plein de sons qui sont déclenchés par les connexions opérées en live. Il y a des chansons, mais il y a aussi de l'art sonore. Donc, c'est des chansons écrites d'une pièce que Frédéric fait avec une vieille console dont il joue avec des feedbacks qu'il crée avec sa console pour essayer de faire du son avec la tension, avec le son généré par la console elle-même. Encore une fois, je pense que c'est plein de stratégies puis c'est plein d'influences différentes qui vont de la musique populaire à l'art sonore très brut, puis c'est un peu ça qui nous intéresse encore, c'est de faire tomber peut-être l'espèce de catégorie, puis même en musique, c'est peut-être l'endroit où elles sont le plus fortes en art, là, les catégories. Après ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que notre écriture scénique est très influencée par probablement l'approche musicale, c'est-à-dire que même dans la construction scénique, c'est beaucoup comme une sorte de composition, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup avec le rythme, on joue avec les contrastes, on essaie de répéter des éléments pour pouvoir créer une sorte de mélodie scénique, là, t'sais, mais j'ai l'impression qu'on compose beaucoup la scène en fonction d'éléments qu'on retrouve dans la composition musicale, là. L'idée du thème, l'idée de la reprise, l'idée de la répétition, donc prétend donner un sens à ce monde, cessons prétend avec arrogance procurer un sens à ceux qui les font. Les langues humaines sont les seuls sons qui sont prétentieux, prétentieux. Simon, tu as parlé de tes inspirations sur le plan sonore, la culture populaire, tout autant que la culture savante. Là, dans certains de vos spectacles, vous avez utilisé des processus mécanisés, et ainsi de suite. Sur le plan plus général, artistiquement parlant, vos sources d'influence, qu'est-ce qui vous interpelle dans l'histoire de l'art en général, ou voire même dans la production très contemporaine? J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de rencontre avec une œuvre d'un groupe parisien là, au départ là, qui s'appelle encore Grand Magasin, qui est une espèce de duo-trio. Ils font une espèce de théâtre dans lequel ils disent qu'est-ce qui se passe sur scène. Il n'y a aucune fiction. Ils sont beaucoup dans la démonstration, en fait, puis la mécanique de la représentation. Puis ça nous avait beaucoup touchés. Puis je pense qu'on, tu, Laurence et moi, puis on avait trouvé là une sorte de réponse à un malaise qu'on avait par rapport à la fiction sur scène, par rapport au théâtre. Fait que donc là, on a beaucoup travaillé cette idée-là d'être nous-mêmes sur scène, d'être des commentateurs ou animateurs de la représentation. D'essayer d'espèce de guide animateur dans ce qui se passe sur scène, puis de rester très proche de nous, puis de pas... de rester aussi dans un niveau de langage qui est beaucoup plus proche de l'exposé oral que de la déclamation ou que du jeu sur scène. T'sais. Donc, on essaie d'être pas plus intéressant que qu'est-ce qu'on est dans la vie, de prendre une parole franche, puis probablement un peu intègre. Fait que ça avait comme joué fort, probablement, au niveau de l'influence, ce groupe-là, ben, en tout cas, la découverte du travail de ce groupe-là. Puis après ça, ben j'ai l'impression que les influences, ils viennent d'un peu partout, mais... Il y en a une grande du côté de la performance qui vient des arts visuels. Là. Donc, cette idée-là de la représentation à la plus simple expression, là, déconstruite, mais en même temps, y aurait-il moyen de faire des performances construites, disons, comme construites dans un enchaînement de performances? Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être là, tu vois, quelque chose qui nous intéresse. Là. On ne comprend pas pourquoi. Il faudrait tant se féliciter de voir, par exemple, des jeunes gens remplir une salle de concert. Quelqu'un peut-il réellement expliquer en quoi un jeune homme qui préfère Chopin à YouTube devrait être un motif de consolation pour la société? Est-on vraiment si sûr que le meilleur endroit pour être là où ça, là où le présent se fait, soit un auditorium et non une salle de cinéma ou les trottoirs d'une rue? On ne comprend pas pourquoi il faudrait tant se féliciter de voir, par exemple, des jeunes gens remplir une salle de concert. Quelqu'un peut-il réellement expliquer en quoi un jeune homme qui préfère Chopin à YouTube devrait être un motif de consolation pour la société? Est-on vraiment si sûr que le meilleur endroit pour être là où ça, là où le présent se fait, soit un auditorium et non une salle de cinéma ou les trottoirs d'une rue? On ne comprend pas pourquoi il faudrait tant se féliciter de voir, par exemple, des jeunes gens remplir une salle de concert. Quelqu'un peut-il réellement expliquer en quoi un jeune homme qui préfère Chopin à YouTube devrait être un motif de consolation pour la société? Est-on vraiment si sûr que le meilleur endroit pour être là où ça, là où le présent se fait, soit un auditorium et non une salle de cinéma? Simon, c'est ma dernière question. Dans les prémices du Bureau de la Paix, on parle d'un art indiscipliné. Et là, j'aimerais t'entendre pour conclure sur cette idée d'art indiscipliné. Quel sens ça prend pour vous autres, cette idée de l'indiscipline? Est-ce que c'est la contestation ou est-ce que c'est l'improvisation qui domine? Ben, je dirais les deux. Au niveau disciplinaire, ou être discipliné, rester dans sa discipline, ben c'est sûr que là, il y a une réponse à dire. Je pense qu'on ne veut pas penser dans ce paradigme-là. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de multi, c'est un peu par hasard. C'est parce que c'est indisciplinaire que ça devient multi. Puis, fait que dans le fond, on croise les disciplines. Les disciplines se croisent parce qu'on n'y pense pas. C'est plus ça l'idée. C'est pas l'idée. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous de croiser des choses. Comme si ça ne nous intéresse pas dans le processus. Il pourrait y avoir quelque chose de pur, puis ça pourrait correspondre à notre intention, même s'il n'y avait pas de croisement. Fait que c'est pas ça l'idée. Puis, donc, l'idée de ne pas penser à ça, de juste faire ce qu'on. Des idées qui viennent, y aller avec l'influence qu'on a dans notre vie. Puis de l'autre côté, bien, c'est l'idée peut-être un peu indisciplinée de dire il y a peut-être quelque chose, une volonté d'avoir quelque chose de brut, d'un peu punk aussi des fois, de vouloir être de vouloir se déjouer soi-même aussi par rapport à l'idée qu'on a des choses. Fait que pour moi, il y a quelque chose de la déstabilisation face à soi-même. Donc, de se déstabiliser, de se mettre en danger, puis de risquer de rater notre coup, mais en même temps, c'est peut-être aussi ça, risquer de le réussir. Donc, c'est un double pari. Oui, tout à fait. Donc, Simon, je le rappelle aux auditeurs, un spectacle, Entrée, nous sommes ouverts, qui lance le mois multi la semaine prochaine. C'est à compter de 20h, salle multi. On se dit merde et merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Gaétan. La majorité des gens veut qu'on parle d'eux. Trouve ta voix. Quand le rouge s'allume, j'ai réalisé que sans la radio, et qu'on s'apprête à se mettre en jeu, je n'existerai pas. CKRL. .qc.ca. L'accroche-oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, on reprend l'accroche-oreille pour une seconde demi-heure pour ceux qui sont intéressés par les titres qu'on a fait entendre au travers de cette entrevue du Bureau de la Poche. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de l'accroche-oreille à l'accroche-oreille.wordpress.com et vous allez trouver le détail ainsi que le podcast de l'émission. Pour la suite de l'émission, j'aimerais vous proposer un album, c'est son dernier, du compositeur et artiste sonore Elliot Britton. Britton, c'est un gars originaire du Manitoba. Il a fait ses études à l'Université McGill à Montréal. Son dernier album, qui s'intitule Metatron, quelque chose comme ça, donne un assez bon aperçu de sa démarche de créateur. Il intègre des sonorités électroniques à un environnement de percussion. Il se présente d'ailleurs sur cet album-là comme un architecte des percussions. Alors, on va entendre une à la suite de l'autre deux pièces. Une première qui s'intitule Metatron 3. Et dans la suite, une autre pièce qui s'intitule Metatron 2. Alors, on vient d'entendre les sonorités percussives d'Eliott Britton, un artiste sonore originaire du Manitoba. Les pièces qu'on vient d'entendre, c'est Métatron 3, 1975, Dim. La seconde pièce, Métatron 2, 1950, Aquertron. Alors, il y a beaucoup de trons dans cet univers linguistique. Et pour terminer l'émission, une dernière pièce de Britton intitulée Métatron 4, 1980, un sous-titre qui dit Galvatron. Et c'est un album de Britton qui est sur étiquette Ambiance Magnétique. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est d'intérêt. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Accroche-Oreille. Et puis, prenez le temps d'écouter les sons autour de vous. Cette émission est disponible en balado-diffusion. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Le mardi à